Thank you.

J'essaye de la caler. 1, 2, 3, 4, 6. Ouais, c'est pas calé. Thank you. C'était terminé. Il nous disait qu'on serait grand. Et j'y découvre maintenant. Et chacun porte sur son dos tout son chemin comme un fardeau. Les souvenirs, on en pense. Pas quelque chose, hein. Je disais qu'on serait grand, mais je découvre maintenant que chacun porte sur son dos tout son chemin comme un fardeau. Allez, potard qui déconne. Ben après ça fait un... J'ai envie de changer le truc. Juste une variation. Maintenant, chacun part sur son dos, sur son chemin.